Chapitre 31e, La Reine. Monsieur de Lafayette et le comte Louis de Bouillé montèrent le petit escalier du pavillon Marsan et se présentèrent aux appartements du premier étage qu'habitaient le roi et la reine. Toutes les portes s'ouvraient devant monsieur de Lafayette. Les sentinelles portaient les armes, les valets de pied se courbaient. On reconnaissait facilement le roi du roi, le maire du palais, comme disait monsieur Marat. Monsieur de Lafayette fut introduit d'abord chez la reine. Quant au roi, il était à sa forge, et l'on allait prévenir sa majesté. Il y avait 3 ans que monsieur Louis de Bouillé n'avait vu Marie-Antoinette. Pendant ces 3 ans, les états généraux avaient été réunis, la Bastille avait été prise, et les journées des 5 et 6 octobre avaient eu lieu. La reine était arrivée à l'âge de 34 ans, âge touchant, dit Michelet, que tant de fois c'est plus à peindre au Vendic, âge de la femme, âge de la mère, et chez Marie-Antoinette, âge de la reine, surtout. Depuis ces 3 ans, la reine avait bien souffert de cœur et d'esprit, d'amour et d'amour-propre. Les 34 ans apparaissaient donc, chez la pauvre femme, inscrits autour des yeux par ces nuances légères, nacrées et violâtres, qui révèlent les yeux pleins de larmes, les nuits vides de sommeil, qui accusent surtout ce mal profond de l'âme dont la femme, femme ou reine, ne guérit plus dès qu'elle en est atteinte. C'était l'âge de Marie Stuart prisonnière, l'âge où elle fit ses plus profondes passions, l'âge où Douglas, Mortimer, Norfolk et Babington devinrent amoureux d'elle, se dévouèrent et moururent pour elle. La vue de cette reine prisonnière, haïe, calomniée, menacée, la journée du 5 octobre avait prouvé que ses menaces n'étaient pas vaines, fit une profonde impression sur le cœur chevaleresque du jeune Louis de Bouillé. Les femmes ne se trompent point à l'effet qu'elles produisent, et comme les reines et les rois ont en outre une mémoire des visages qui fait en quelque sorte partie de leur éducation, à peine Marie-Antoinette eut-elle aperçu M. de Bouillé qu'elle le reconnut, à peine eut-elle jeté les yeux sur lui qu'elle fut certaine d'être en face d'un ami. Il en résulta qu'avant même que le général eût fait sa présentation, qu'avant qu'il fût au pied du divan sur lequel la reine était à demi couchée, celle-ci s'était levée, et comme on fait la foi à une ancienne connaissance qu'on a plaisir à revoir, et à un serviteur sur la fidélité duquel on peut compter, elle s'était écriée « Ah, monsieur de Bouillé !» Puis, sans s'occuper du général Lafayette, elle avait étendu la main vers le jeune homme. Le comte Louis avait hésité un instant. Il ne pouvait croire à une pareille faveur. Cependant, la main royale restant étendue, le comte mit un genou en terre et de ses lèvres tremblantes effleura cette main. C'était une faute que faisait la pauvre reine. Elle en fit bon nombre de pareilles à celle-là. Sans cette faveur, M. de Bouilly lui était acquis, et par cette faveur accordée M. de Bouilly devant M. de Lafayette, qui, lui, n'avait jamais reçu faveur pareille, elle établissait sa ligne de démarcation et blessait l'homme dont elle avait le plus besoin de se faire un ami. Aussi, avec la courtoisie dont il était incapable de se départir un instant, mais avec une certaine altération dans la voix, « Par ma foi, mon cher cousin, dit Lafayette, c'est moi qui vous ai offert de vous présenter à sa majesté, mais il me semble que c'était bien plutôt à vous de me présenter à elle. » La reine était si joyeuse de se trouver en face d'un de ses serviteurs sur lesquels elle savait pouvoir compter, la femme était si fière de l'effet qui lui semblait avoir produit sur le comte, que sentant dans son cœur un de ces rayons de jeunesse qu'elle y croyait éteint, et tout autour d'elle, comme une de ces brises de printemps et d'amour qu'elle croyait morte, elle se retourna vers le général Lafayette, et avec un de ses sourires de Trianon et de Versailles, « Monsieur le général, le comte Louis n'est pas un sévère républicain comme vous. Il arrive de Metz, et non pas d'Amérique. » Il ne vient pas à Paris pour travailler sur la Constitution. Il vient pour me présenter ses hommages. Ne vous étonnez donc pas que je lui accorde, moi, pauvre reine à moitié détrônée, une faveur qui pour lui, pauvre provincial, mérite peut-être encore ce nom, tandis que pour vous. » Et la reine fit une charmante minauderie, presque une minauderie de jeune fille qui voulait dire « Tandis que vous, monsieur le Scipion, tandis que vous, monsieur le Cincinnatus, vous vous moquez bien de pareil maribaudage. Madame, dit Lafayette, j'aurais passé respectueux et dévoué près de la reine, sans que la reine ait jamais compris mon respect, ait jamais apprécié mon dévouement. ce sera un grand malheur pour moi. Un plus grand malheur peut-être encore pour elle. » Et il salua. La reine le regarda de son œil profond et clair. Plus d'une fois, Lafayette lui avait dit de semblables paroles. Plus d'une fois, elle avait réfléchi aux paroles que lui avait dites Lafayette. Mais, pour son malheur, comme venait de le lui dire celui-ci, elle avait une répulsion instinctive contre l'homme. « Allons, général, dit-elle, soyez généreux, pardonnez-moi. »« Moi, madame, vous pardonnez, et quoi ? Mon élan vers cette bonne famille de Bouillé, qui m'aime de tout son cœur, et dont ce jeune homme a bien voulu se faire le fil conducteur, la chaîne électrique. C'est son père, ses oncles, toute sa famille, que j'ai vu apparaître lorsqu'il est entré, et qui m'a baisé la main avec ses lèvres. » Lafayette fit un nouveau salut. « Et maintenant, dit la reine, après le pardon, la paix. Une bonne poignée de main, général, à l'anglaise ou à l'américaine. » Et elle tendit la main, mais ouverte et la paume en avant. Lafayette toucha d'une main lente et froide la main de la reine en disant « Je regrette que vous ne vouliez jamais vous souvenir que je suis français, madame. Il n'y a cependant pas bien loin du 6 octobre au 16 novembre. » « Vous avez raison, général, dit la reine faisant un effort sur elle-même et lui serrant la main. « C'est moi qui suis une ingrate. » Et se laissant retomber sur son sofa comme brisée par l'émotion. « D'ailleurs, cela ne doit pas vous étonner, dit-elle. Vous savez que c'est le reproche qu'on me fait. » Puis, secouant la tête. « Eh bien, général, qu'y a-t-il de nouveau dans Paris ? » demanda-t-elle. Lafayette avait une petite vengeance à exercer. Il saisit l'occasion. « Ah, madame, dit-il, combien je regrette que vous n'ayez pas été hier à l'Assemblée. Vous eussiez vu une scène touchante et qui eût bien certainement ému votre cœur. Un vieillard venant remercier l'Assemblée du bonheur qu'il lui devait à Éléo-Roi, car l'Assemblée ne peut rien sans la sanction royale. « Un vieillard, répéta la reine distraite. « Oui, madame, mais quel vieillard ? Le doyen de l'humanité, un paysan immortable du Jura, âgé de 120 ans, amené à la barre de l'Assemblée par 5 générations de descendants, et venant la remercier de ses décrets du 4 août. Comprenez-vous, madame, un homme qui a été un serf un demi-siècle sous Louis XIV, et 80 ans depuis ? Et qu'a fait l'Assemblée en faveur de cet homme ? Elle s'est levée tout entière et l'a forcé, lui, de s'asseoir et de se couvrir. Ah ! Dit la reine de ce ton qui n'appartenait qu'à elle. Ce devait être en effet fort touchant, mais à mon regret, je n'étais pas là. Vous savez mieux que personne, mon cher général, ajouta-t-elle en souriant, que je ne suis pas toujours où je veux. Le général fit un mouvement qui signifiait qu'il avait quelque chose à répondre, mais la reine continua sans lui donner le temps de rien dire. Non, j'étais ici, je recevais la femme François, la pauvre veuve de ce malheureux boulanger de l'Assemblée, que l'Assemblée a laissé assassiner à sa porte. « Que faisait donc l'Assemblée ce jour-là, monsieur de Lafayette ?»« Madame, répondit le général, vous parlez là d'un des malheurs qui ont le plus affligé les représentants de la France. L'Assemblée n'avait pu prévenir le meurtre. Elle a du moins puni les meurtriers. Oui, mais cette punition, je vous jure, n'a point consolé la pauvre femme. Elle a manqué de devenir folle, et l'on croit qu'elle accouchera d'un enfant mort. Si l'enfant est vivant, je lui ai promis d'en être la marraine. » Et pour que le peuple sache que je ne suis pas aussi insensible qu'on le dit au malheur qui lui arrive, je vous demanderai, mon cher général, s'il n'y a pas d'inconvénient à ce que le baptême se fasse à Notre-Dame. » Lafayette leva la main comme un homme qui était prêt à demander la parole et qui est enchanté qu'on la lui accorde. « Justement, madame, dit-il, c'est la seconde allusion que vous faites depuis un instant à cette prétendue captivité dans laquelle on voudrait faire croire à vos fidèles serviteurs que je vous tiens. « Madame, je me hâte de le dire devant mon cousin, je le répéterai s'il le faut devant Paris, devant l'Europe, devant le monde. Je l'écris hier à M. Mounier, qui se lamente du fond du Dauphiné sur la captivité royale. « Madame, vous êtes libre et je n'ai qu'un désir. Je ne vous adresse même qu'une prière, c'est que vous en donniez la preuve, le roi en reprenant ses chasses et ses voyages, et vous, madame, en l'accompagnant. » La reine sourit comme une personne mal convaincue. Quant à être la marraine du pauvre orphelin qui va naître dans le deuil, la reine, en prenant cet engagement avec la veuve, a obéi à cet excellent cœur qui la fait respecter et aimer de tout ce qui l'entoure. Lorsque le jour de la cérémonie sera arrivé, La reine choisira l'église où elle désire que cette cérémonie ait lieu. Elle donnera ses ordres, et selon ses ordres, tout sera fait. « Et maintenant, » continua le général en s'inclinant, « j'attends ceux dont il plaira Sa Majesté de m'honorer pour aujourd'hui. » « Pour aujourd'hui, mon cher général, dit la reine, je n'ai pas d'autre prière à vous faire que d'inviter votre cousin, s'il reste encore quelques jours à Paris, à vous accompagner à l'un des cercles de Madame de Lamballe. Vous savez qu'elle reçoit pour elle et pour moi. « Et moi, madame, répondit Lafayette, je profiterai de l'invitation pour mon compte et pour le sien, et si votre majesté ne m'y a pas vu plus tôt, je la prie d'être bien persuadée que c'est qu'elle a oublié de me manifester le désir qu'elle avait de m'y voir. » La reine répondit par une inclination de tête et par un sourire. C'était le congé. Chacun en prit ce qui lui revenait. Lafayette le salue, le comte Louis le sourire. Tous deux sortirent à reculons, emportant de cette entrevue l'un plus d'amertume, l'autre plus de dévouement.